Vous êtes bien sur Cartable FM 93.3 et vous écoutez l'émission Let's Talk. Nouvelle émission sur les ondes de Cartable FM, animée par moi-même, Sacha. Et je suis et je serai toujours accompagné de Romain, qui est chroniqueur dans cette émission. Salut Romain. Salut Sacha. Avant tout, je vais vous présenter cette émission, 100 minutes, etc. Donc elle a pour but de parler aux manceaux de la vie locale, des événements culturels à proximité. Elle est centrée sur les artistes locaux et a pour but de les faire connaître un peu mieux auprès du grand public. En parlant d'artistes, nous invitons aujourd'hui Sam pour notre première. Salut Sam. Salut Sacha. Et vous en saurez plus sur lui lors de l'interview qui suivra. L'émission se déroulera toujours de la même façon, avec les 2 minutes d'infos locales par Romain, suivi de l'interview de l'artiste de chez vous. Ensuite, c'est un agenda culturel concocté par nos soins qui vous sera présenté. Pour finir, une petite surprise suspense. Je crois que j'ai assez parlé, c'est à toi Romain de nous faire ta petite page d'infos. Eh bien, merci Sacha. Donc, pour commencer, nous allons commencer avec la fête foraine du Mans, qui doit débuter ce samedi 19 octobre, mais qui est mal partie. En effet, les forains devaient s'installer ce lundi au Panorama, mais ils ne veulent pas, car ils sont en désaccord avec le maire sur certains points, comme par exemple les routes qui ne sont pas goudronnées, à suivre dans les prochains jours. Les étudiants en STAPS à l'Université du Mans sont toujours en grève. Ils réclament l'ouverture de 7 postes de professeurs car le nombre d'élèves aurait triplé en quelques années. Ils étaient donc hier devant la préfecture du Mans. Sinon, en France, les pompiers se sont mobilisés à Paris hier pour exprimer leur ras-le-bol. Ils étaient entre 7000 et 10000 et la situation était assez tendue à cause de quelques affrontements entre les CRS et les pompiers. Et sinon, dans le monde, l'envahissement de la Syrie par la Turquie se continue, faisant environ 150 morts pour le moment. Donald Trump menace la Turquie de, je cite, « détruire leur économie » s'il ne faisait pas un cessez-le-feu, ce que la Turquie refuse. L'ONU fait d'ailleurs aujourd'hui un conseil de sécurité pour trouver une solution et appliquer des sanctions pour la Turquie. Et c'est tout pour les actualités en 2 minutes. Merci Romain. Bon, des bonnes, des mauvaises nouvelles, un peu de tout. Et pour mettre un peu de fraîcheur là-dedans, on va écouter The Pixies avec On Graveyard Hill. Donc, qui est un titre de ce fameux groupe de rock alternatif originaire de Boston, qui a sorti un album cette année, dont nous allons écouter le titre phare maintenant. In the witching hour. C'était les Pixies sur Cartable FM 93.3. Vous écoutez toujours Let's Talk. Et nous allons passer maintenant à l'interview de notre invité, Sam. Oui. Bah, déjà, avant de commencer, commençons par le commencement. Je vais te demander, je vais te laisser te présenter, donc ton nom, etc., ton nom de scène, enfin de peintre, pardon. Ouais. Eh bien, écoute, donc je m'appelle Samuel Giglio. Voilà, j'ai 43 ans, je suis enseignant. Je suis instit et puis donc je peins depuis plusieurs années. Je signe mes toiles Sam, voilà, comme tout le monde m'appelle en fait, mes amis, ma famille, on m'appelle Sam, donc je signe Sam. Ok, donc tu dis que tu fais de la peinture, donc ouais. C'est pour ça que t'es là. Exactement, et je te remercie d'ailleurs pour ton invitation. Bah de rien, c'est juste normal. Donc on veut tous savoir quelles sont tes inspirations, tes sources de motivation, comment tu as commencé, grâce à qui, à quoi ? Alors écoute, j'ai commencé à peindre, c'était en 2004, c'était il y a 15 ans. J'avais toujours voulu peindre, j'ai toujours été curieux de toutes les formes d'art d'une manière générale. Et en 2004... L'arrière-grand-père de mes enfants, du côté maternel, est décédé. Il lui-même peignait à l'huile. Et il savait que je voulais peindre. Et donc, il m'a légué tout son matériel de peinture. Donc, j'ai hérité de beaucoup de pinceaux, de beaucoup de tubes, d'un chevalet, d'un tabouret. Enfin, voilà. Et je voulais rendre hommage à Sleg. Je voulais pas laisser ça de côté. Et donc j'ai commencé à prendre des cours en 2004, dès la rentrée 2004, dès septembre 2004, avec quelqu'un qui s'appelle Laurent Blandin, qui est un artiste reconnu internationalement, qui a fait les Beaux-Arts au Mans. Donc pendant 7 années, j'ai suivi ses cours sur le Mans. Et puis quand Laurent est parti sur Montpellier, en 2011, je lui ai demandé où est-ce que je pouvais continuer de prendre des cours. Et en gros, il m'a dit que je pouvais me débrouiller tout seul, voilà. Donc je me suis lancé un petit peu tout seul en 2011. J'ai pas beaucoup peint d'abord dans les débuts. Bon, c'est les aléas de la vie. Et puis depuis 18 mois, j'ai eu l'occasion de récupérer beaucoup beaucoup de toiles. Et du coup depuis 18 mois, je peins beaucoup. Voilà. D'accord. Donc ça part d'une histoire de famille. C'est génial comme histoire. Comme on peut se dire que juste comme ça, on a des pinceaux, des toiles, et puis on fait ce qu'on veut faire avec ce qu'on a sur le moment. Ouais, donc du coup, en fait, j'aime beaucoup la peinture, d'une manière générale. Tu parlais de mes sources d'inspiration. Aujourd'hui, donc forcément, elles ne sont plus les mêmes qu'au début. Au début, c'était beaucoup pour apprendre une technique, puisque c'est très technique de peindre à l'huile. Et j'avais déjà essayé de faire une toile tout seul, sans cours, et c'était très frustrant en fait par rapport aux envies qui me trottaient dans la tête, et le rendu sur la toile, c'était vraiment très très différent, d'où ces 7 années de cours en fait. Et voilà, sinon je suis toujours curieux, je vais toujours voir d'autres artistes contemporains ou célèbres, ou voilà, les rétrospectives. Là je sais qu'il y a une rétrospective Francis Bacon à Paris jusqu'au mois de janvier, et je compte bien y aller, voilà. Ouais, aller chercher des infos, des toiles un petit peu partout pour s'inspirer. Est-ce que l'appellation artiste, elle te convient ou... Alors écoute, oui, bien sûr que l'appellation artiste me convient. C'est quelque chose de difficile à définir, un artiste. Mais à partir du moment où je suis dans un art, la peinture, et que je montre ce que je fais, c'est avant tout un partage. Voilà, c'est comme quelqu'un qui écrit, comme quelqu'un qui chante, comme quelqu'un qui produit toute forme d'art. À un moment, je trouve que se confronter au regard extérieur, ça légitime un petit peu tes envies, et voilà, c'est quelque chose même de nécessaire. Après, l'appellation artiste, elle peut paraître prétentieuse ou je ne sais pas, mais... C'est pas une histoire de prétention, c'est juste une histoire de partage en fait, voilà. Donc là tu vas pas pouvoir nous faire de live parce que non. On peut pas voir, mais par contre quel type de peinture quelle peinture tu pratiques finalement, c'est bête à C'est une question un peu bête, mais... Non, il n'y a aucune question bête. Écoute, quand tu prends des cours, tu travailles beaucoup dans le figuratif, tu apprends des techniques, voilà, différentes techniques, différents rendus. Et puis, moi, petit à petit, depuis que je me suis lancé, bien sûr, je continue de travailler un petit peu dans le figuratif. Et puis, petit à petit, il y a des envies, des choses qui émergent. Et ces choses, elles se façonnent au fur et à mesure du temps qui passe et des essais que tu fais sur la toile. Donc du coup, c'est... T'es passé par quoi ? Par de l'abstrait ? Par, D'abord du figuratif, et puis après, aujourd'hui, je fais les deux, en fait. Fais les deux. Aujourd'hui, moi, j'ai un but, j'ai envie de peindre la lumière. Voilà. D'accord. Sous toutes ses formes. Et est-ce que tu as un rêve en tant qu'artiste ? Est-ce que tu as un but final, un... Écoute, non, le but pour le moment, c'est le partage. Après, c'est vrai que si je pouvais vendre beaucoup de toiles et puis en vivre, ce serait quelque chose de bien, de vivre d'une passion. Mais je n'en suis pas là du tout, quoi. C'est après mon travail commence à être reconnu. J'ai été contacté par une revue hollandaise en décembre 2018. Bon, ça n'a pas été plus loin, mais déjà j'ai été contacté par une revue d'art contemporain. Et là, j'ai été contacté également par une galerie new-yorkaise avant les grandes vacances au mois de mai. Juin. Et donc j'ai mis les choses en stand-by parce que là, d'un point de vue perso, je suis en plein déménagement. Donc c'est vrai que j'ai plus trop le temps de peindre, mais tu vois, la galerie m'a relancé pas plus tard qu'hier, en fait. Voilà, donc via mon site Instagram, via le site internet que j'ai pu faire. Donc c'est bien, ça fait du bien, en fait, de voir qu'on est contacté. Qu'il y a une légitimité, en tout cas, dans ce que je peux faire. Et. Que peut-être le terme d'artiste, peut-être que je ne l'usurpe pas tant que ça, quoi. Voilà. Oui. Et justement, là, on parlait un peu communication, etc. Et quand on est artiste, comment on navigue sur ce monde de la communication, sur ce monde de l'art ? Comment on communique, en fait ? Alors, écoute, moi, au niveau... Tu parles de faire de la promotion, c'est ça ? Écoute, moi, je me suis fait un Instagram, je me suis fait une page Facebook. Et puis, voilà, pour le moment... Pour le moment, ça n'est pas mon métier d'être artiste. Donc, du coup, c'est deux biais comme ça qui permettent de te faire connaître entre guillemets, quoi. C'est vrai que l'échelle est assez réduite. Et puis, si les choses ont à se développer, eh bien, elles se développeront. Je ne cherche pas particulièrement à me rendre célèbre à tout prix. Voilà. Donc là, on est sur un plateau de radio, donc. Ouais. Et est-ce que tu as déjà fait de la radio ? Tu as déjà eu des articles sur toi dans le journal ou ce genre de choses ? Alors écoute, des articles, non. J'ai fait une émission de radio au mois de juin sur une radio locale du Mans également, sur Radio Alpa. Le hasard voulait que ce soit un ancien élève que j'ai eu justement en 2004. La coïncidence était assez amusante, Pierre-Alexis Dubois. Je le remercie d'ailleurs de son invitation au mois de juin, comme je te remercie également de la tienne aujourd'hui, voilà. Et non, j'ai déjà fait deux expositions d'un point de vue local. J'en ai une de prévue là à la fin du mois. Et bon, les articles de presse, pas encore, mais entre guillemets, je débute, tu vois. Donc on parle des expos là, donc. Et ouais. Donc t'en as fait une au Parouf, ouais. En février. En février, ouais, c'est ouais. Ça. Donc il y a déjà 6-7 mois. Et t'en fais une du 29 octobre au 26 novembre à la salle Pierre Guédou. Oui, c'est une maison de quartier. Voilà, donc on invite tous les auditeurs à venir le mercredi 30 octobre à 18h. Ouais, c'est le vernissage. Voilà, écoutez le vernissage, la présentation de l'expo. Donc t'as parlé de tes cours de peinture. Oui. Et donc après t'as été lâché dans le grand vide. Comment tu l'as pris après avoir été lâché comme ça ? Est-ce que t'as... ma question elle était pas claire. Si, comment tu l'as pris en fait après être avoir été lâché ? Écoute, c'était j'ai fait quelques tableaux tout seul, c'était en 2011, donc j'ai fait quelques tableaux tout seul dans l'été qui a suivi, puisque je prenais des cours de septembre à juin comme les années scolaires, Et puis, j'ai eu une vie personnelle, qui m'a éloigné des pinceaux pendant quelques temps. En 6 années, j'ai dû faire 12 toiles, tu vois, donc c'est pas beaucoup. Mais c'était toujours là, c'était toujours quelque chose qui me tenait à cœur. Et le fait de récupérer un grand nombre de toiles par le biais d'une amie que je remercie. Ouais, voilà, c'est encore une fois, on a récupéré pour moi un grand lot de toiles. Eh bien, je me suis dit, allez. Et d'un point de vue personnel, c'est pareil. Dans ma vie, j'étais disponible à ce moment-là. La disponibilité pour te lancer dans un art, enfin dans la peinture en tout cas, elle est importante. Je peignais, ça demande du temps, et c'était dans la fréquence. Je peignais 2 à 3 fois par semaine. Ça pouvait être des plages minimales de 2 heures jusqu'à des plages parfois de 6 heures d'affilée, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut être disponible par rapport à ça. Là en ce moment, je peins beaucoup moins, mais c'est toujours là. C'est-à-dire que maintenant que ça a émergé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées, qui sont présentes en moi, beaucoup d'envie. Et il est hors de question que je laisse ça à l'intérieur. Voilà, il faut que ça sorte. Et puis de toute façon, quand on est artiste, il y a toujours des périodes comme ça où on fait un stop et puis on reprend forcément après parce que c'est en nous. Et donc on parle de peindre, de tes dispositions. Est-ce que tu as des habitudes quand tu peins? Est-ce que tu fais des choses particulières ou tu es vraiment concentré dans ton truc ou tu as le petit verre d'eau ou des habitudes comme ça? Ouais, alors écoute, j'ai une très grande habitude, c'est de peindre en musique en fait. Voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Alors j'écoute vraiment de tout comme musique, principalement l'électro, principalement Prince, principalement un autre groupe qui s'appelle Divine Comedy, mais je peux vraiment écouter tout et n'importe quoi, du jazz aussi, j'aime particulièrement le jazz. En parlant de jazz, on va peut-être lancer le premier morceau pour couper cette interview, pour faire un petit intermède. Donc je vais te laisser présenter parce que c'est toi qui a amené ce morceau. Oui, voilà, et donc c'est un morceau de Prince qui s'appelle Caught in Time, un morceau qui date de 1996, qui est paru sur l'album Emancipation. It's caught in time. sur Cartable FM 93.3 et vous écoutez Let's Talk. On va continuer le volet, on va continuer avec le volet 2 de l'interview de Sam qui est toujours avec nous. Et je vais te demander ce que tu fais en ce moment, ton actualité. Ok, eh bien écoute, en ce moment, Sacha, je travaille pas mal sur des portraits. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas beaucoup de temps. Donc les portraits, je travaille sur des portraits qui font toujours le même format. C'est des portraits de 18 cm sur 24 cm. Donc en fait, quand je réalise une toile, ça me prend une heure et quart, une heure et demie, vu c'est moins grand qu'une feuille A4. Non, donc ce petit format me permet quand même de trouver des plages horaires pour peindre et ne pas te couper totalement avec la peinture, quoi. Voilà. Je fais des portraits alors d'une manière un petit peu particulière. C'est des portraits que je travaille avec mes empreintes. Au début, j'appelle ça des empreintes de visage, en fait. Donc il y a la polysémie du mot empreinte, donc je travaille avec mes empreintes digitales. Je travaille le fond au doigt, en fait. Et ensuite, je peins sur un film plastique, puisque j'achète mes toiles dans le commerce. Les toiles sont toutes recouvertes d'un film plastique. Et moi, d'un point de vue écologie, ça me faisait suer d'avoir du plastique pour du plastique. Donc, j'ai cherché pendant un moment à utiliser ce plastique sous une autre forme. Et m'est venue l'idée de peindre directement sur lui et de l'imprimer après, comme on fait une décalcomanie, comme on peut faire un tatouage de chewing-gum, je sais, par exemple. Et donc, du coup, j'avais un deuxième sens du mot empreinte, puisque j'imprimais comme une décalcomanie. Et puis, tous les visages que je fais sont des visages existants. Donc, ça peut être des visages d'amis, de proches, de famille, d'inconnus. Aussi, je vais chercher des expressions, des visages sur Internet. Voilà, je peux naviguer et puis m'inspirer de ce que je peux trouver, des photos. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais en ce moment. Après, j'ai fini là cet été une série en 29 tableaux. Une série encore qui était une forme d'empreinte et puis qu'au final j'ai appelé Ghostface. Même chose en fait, je peignais, comme je peins à l'huile c'est quelque chose qui coûte très cher, ça peut coûter de 4 à 8 euros une petite cuillère en fonction de la qualité de l'huile que tu as. Et quand j'avais terminé un tableau, j'avais toujours un reliquat de peinture et je voulais à tout prix l'utiliser. Et j'ai commencé, même chose, par peindre. Alors, j'utilisais un format un peu plus grand, j'utilisais un format 30 cm x 40 cm. Je commençais toujours par travailler mon fond au doigt, enfin, le contact à la main. Voilà, donc d'où encore le terme empreinte. Et puis sur ma palette, en fait, la peinture qui restait sur ma palette, je la pressais sur ma toile. Voilà, ça commençait comme ça, histoire de voir un rendu. Donc là, bien sûr, on n'était plus du tout dans le figuratif, on était dans l'abstrait. Et du coup, petit à petit, c'est plus devenu un hasard. Les 3-4 premières toiles étaient dues un petit peu au hasard et je recherchais plus une esthétique. Et en fait, en peinture, j'utilise beaucoup le blanc. Et le blanc ressortait, donnait des effets de lumière parfois dans ces impressions de palette que je mettais sur la toile. Et donc petit à petit, j'ai commencé à rajouter des choses, à utiliser également le film plastique dont je te parlais tout à l'heure. Alors je peignais pas sur le film plastique, mais je le retirais et je m'en servais un petit peu comme pinceau, comme pinceau, c'est ça. Et du coup, j'arrivais à obtenir des choses qu'on n'obtient pas avec un pinceau, ni avec un couteau, ni avec les doigts. J'obtenais une sorte de trois dimensions, c'est-à-dire que la peinture faisait des plis, des vagues, comme peut se plier un plastique. Voilà. Et petit à petit, même chose, hein, toujours dans ces recherches, au fur et à mesure des tableaux. Des tableaux que je faisais, petit à petit des visages en fait. J'ai vu des visages un petit peu comme on peut interpréter, je sais pas, les taches d'encre en psychologie avec le test de Rorschach. J'ai commencé à voir des visages Donc ces visages, ce qui était un petit peu un hasard au début, ne l'est plus devenu. J'ai travaillé ça pendant quasiment un an, de novembre à août, donc des mois pleins, de début novembre jusqu'à fin août. Du coup, j'ai fait le tour là, en 29 oui. toiles, j'ai fait le tour. Du coup, maintenant, je recherche d'autres choses, j'ai encore d'autres choses en moi, mais cette lumière de visage abstrait, voilà, je définirais ça comme ça, c'est très vaporeux, c'est très éthéré, et d'où leur nom en fait, j'ai appelé ça des ghost face, voilà, des visages de fantômes. D'accord. Et donc là, bon, c'est difficile de s'imaginer, j'imagine, quand on écoute, même nous, là sur le plateau, on a du mal à s'imaginer ce que ça peut donner. Donc, tu as un site sur lequel tu références toutes tes peintures ? Toutes les peintures depuis novembre 2017, enfin depuis août, novembre 2018, voilà, où j'ai commencé vraiment à repeindre énormément. Donc je me suis fait un site. La totalité de mes toiles, elle est visible sur ma page Facebook. Ouais. Ça, il y a la totalité et tout ce que je fais récemment, c'est un mixte entre les deux sur Instagram. D'accord, donc ton Instagram c'est SamySam, donc SA2MY2SA2M. Oui. Pour les curieux qui voudront aller voir. Et j'avais une question, parce que tout à l'heure tu parlais de délai, de prendre des plus petits délais pour faire des plus petites peintures, etc. Est-ce que ça t'arrive de couper ta peinture au milieu et de t'arrêter et de reprendre après ? Ou est-ce que c'est impossible avec l'huile, ou juste est-ce que t'as pas envie ou... Alors c'est ça qui est très intéressant avec la peinture à l'huile en fait, c'est que l'huile met énormément de temps à sécher. Après on peut ajouter ce qu'on appelle des médiums dans l'huile pour donner d'autres effets. Alors il y a des médiums pour sécher, ce qu'on appelle des médiums cicatifs, des médiums pour donner des effets mouillés, des effets de transparence, qui va être le médium vénitien, ou alors un aspect rugueux d'écorce d'arbre par exemple, qui va être le médium flamand. Mais oui, bien sûr, souvent, c'est vrai, quand je commence une toile, je la termine. Mais de moins en moins, en fait, je dirais. J'attends des délais de séchage, puisqu'en séchant, l'huile n'a pas forcément le même rendu sur certaines couleurs. Par exemple, je pense au grid pen qui va ressortir davantage en séchant, qui va remonter, ou des choses comme ça. Et aussi pour travailler aussi une certaine profondeur, ou alors garder les mêmes couleurs, puisque comme l'huile met énormément de temps à sécher, il y a certaines couleurs que tu ne peux pas obtenir si la couche d'en dessous n'est pas sèche, je dirais. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Un tableau où je ne mets aucun cicatif, où je vais utiliser la peinture à l'huile argentée ou dorée, ça peut mettre jusqu'à 2 mois à sécher. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, on parle beaucoup de peinture à l'huile. Est-ce que tu travailles sur d'autres supports, sur d'autres sortes de peintures ? Alors, je travaille, je mixe un petit peu là. J'ai commencé à toucher un petit peu à l'acrylique. J'aime moins parce que l'acrylique, c'est une peinture qui sèche assez vite. Et du coup, notamment l'été, quand il fait chaud. Voilà. Alors après, c'est pas du tout les mêmes possibilités. Mais quand je travaille de l'acrylique, en fait, je vais travailler des fonds. L'acrylique séchant vite, je peux ensuite peindre à l'huile dessus. De toute façon, l'inverse n'est pas possible. Tu peux pas poser de l'acrylique sur de l'huile. Le rendu serait catastrophique. Ça m'arrive de travailler des fonds à l'acrylique, parce que j'ai pas la patience. Et puis, dans mes recherches de lumière aussi, je travaille beaucoup sur la lumière de l'espace, d'une manière générale. Et donc, le noir de l'espace, faire des fonds noirs acryliques, ça me permet... Ça me permet de travailler plus rapidement, je dirais, ce que j'ai en tête. Mais dernièrement, la toute dernière toile que j'ai pas encore finie, sur laquelle je suis, en tout cas une des dernières toiles sur laquelle je suis, j'ai fait mon fond à l'huile, voilà, puisque le rendu acrylique, c'est pas que je me lasse, mais c'est un petit peu quand même, si je pense. D'accord. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver comme peinture à ton exposition, à la salle Pierre Guidou Est-ce qu'on va retrouver tes fameux ghosts ou... Ouais, alors écoute, ça va être réparti comme ça. Je vais exposer 38 toiles. Sur ces 38 toiles, il va y avoir un ensemble de 9 ghost face, puisque je les expose par 9, en fait. Ça me permet d'avoir un rectangle de 90 cm sur 1,20 m. ça s'harmonise bien en plus. Enfin, c'est quelque chose que je trouve d'harmonieux de les mettre par neuf. Il va y avoir les portraits dont je parle. Il y en a une dizaine. Voilà. Après, il y a pas toute une série, puisque j'ai plus que trois tableaux sur les quatre de cette série-là qui s'appelle The Light in Us, la lumière en nous. C'est quelque chose aussi que je recherche avec les portraits, de peindre la lumière intérieure des gens, voilà, que ce soit dark ou que ce soit sain, ou je ne sais pas trop quel qualificatif mettre, mais voilà, la lumière des personnes m'intéresse également. Il va y avoir des tableaux sur l'espace, justement, d'une manière générale, qui sont plutôt des grands formats. Et puis toute une série de dragons et de fées. Je suis intéressé aussi par ce monde onirique, je dirais. Donc il va y avoir une série de 7 dragons que j'ai liés aux 7 chakras et 3 fées, voilà. Et donc la possibilité des dragons et des fées est très grande, et c'est aussi une série que j'explore et que je veux pousser un petit peu plus, en me limitant aussi à d'autres êtres de lumière, que j'appelle, voilà, des êtres de lumière. Eh ben, merci beaucoup. Et puis j'ai une dernière question, oui. Une ultime question avant de finir cette interview et te remercier. C'est, est-ce qu'on peut acheter tes toiles? Est-ce que tu parlais de vivre de ta passion, etc. Est-ce que tes toiles sont en vente, etc. Oui, bien sûr, mes toiles sont en vente. Alors, pour le moment, j'en ai quasiment pas vendu. Ce qu'achète, c'est des connaissances, en fait. Mais oui, tout à fait, mes toiles sont en vente. Après, elles sont à un prix raisonnable, puisque la cote d'un artiste, ça n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose de très codifié. Et donc, moi j'en suis au plus bas, hein, dans la cote artistique, voilà, puisque je débute, je peins réellement depuis une grosse année maintenant. Donc c'est vrai qu'en un an, d'avoir été contacté déjà par une revue d'art contemporain, aux Pays-Bas, et d'avoir été contacté par une galerie de New Yorkaise, c'est quelque chose qui m'encourage énormément. Mais ma cote pour obtenir le prix d'une toile, en fait, c'est son format. C'est le format qui va induire le prix. Voilà. Et ben, on te souhaite de monter dans ces codes, de te faire de plus en plus connaître. Et puis, j'espère que cette émission, elle a aidé pour oui, ça. Oui. J'espère. On merci. Verra bien. Et puis, merci beaucoup d'être venu là sur ce plateau, nous expliquer tout ça. C'était hyper intéressant. De rien. Je suis content d'avoir pu t'interviewer. Merci à vous trois, donc, Sacha, Romain et puis à Delphine en régie. Ouais, un petit coucou à Delphine à la technique. Et puis, je vais juste faire un petit résumé. On te retrouve donc sur Instagram, sur Facebook, et sur ton site. Et surtout, j'invite tous les auditeurs à venir. À ton expo de peinture à l'huile à la maison de Pierre Guédou. Merci. Et à acheter les toiles aussi. Et acheter les... Merci Romain. Et à acheter les toiles. Ouais, c'est ma page Facebook, il suffit que vous tapiez Samuel Giglio et puis peinture à l'huile et vous tomberez sur ma page Facebook. Voilà. Ok, d'accord. Et Romain, tu avais des questions à poser à Sam, etc. ou pas? Oui, j'avais une question, il me l'a déjà répondu tout à l'heure en privé. Est-ce que c'est difficile de vivre de sa passion et en même temps de vivre... Est-ce que c'est compliqué d'être instituteur et en même temps d'être peintre? Alors, ça va dépendre. Il y a des moments dans l'année où mon travail d'enseignant me demande beaucoup plus de temps. Voilà, tu vois, par exemple, là, j'ai pas beaucoup peint en septembre, octobre, parce que la rentrée est toujours un moment très, très chargé. Voilà, il faut lancer la classe. C'est dur. Mais c'est pas que c'est difficile, c'est un travail qui demande du temps, voilà. Et puis il va y avoir d'autres moments où je vais être davantage disponible. Mais après, quand t'as une passion, je dirais c'est pas difficile de trouver du temps pour une passion. Tout n'est qu'une question de choix. Et voilà. Merci beaucoup. De rien, Romain. Merci beaucoup Sam d'être venu, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis peut-être qu'on te retrouvera bientôt à New York, sur les premières pages du Times, etc. On espère. Donc, on va continuer cette émission. Mais avant de la continuer, on va passer sur un morceau de jazz que Sam va encore nous présenter, parce que c'est encore lui qui a amené ce morceau. Donc, je lui laisse la parole. Oui, alors voilà, c'est un morceau extrait de l'album Magali chante Ella, qui est accompagné du trio Duchemin, en fait. Donc Philippe Duchemin, c'est un pianiste jazz reconnu internationalement qui est ici au Mans. Et voilà, donc la chanson qu'on va écouter a été enregistrée lors d'un concert un mois avant le décès de Magali. Elle est décédée à 24 ans d'un cancer du sein, et en février 99. Et ses amis et sa famille, en sa mémoire, avons créé une association qui s'appelle les Jaspi, qui a 20 ans cette année. J'ai fêté les 20 ans il y a deux semaines, voilà. Et c'est une association qui apporte la musique sous beaucoup de formes dans les enfants, dans les milieux hospitaliers, à l'Arche, dans les IME. Et voilà, ça me tenait à cœur aussi de passer le disque ici pour les 20 ans des Jaspi, leur faire un petit clin d'œil. Voilà. Ok, let's go. You on a slow boat to China, all to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave your lovers whipping on a faraway shore, out on the brandy. With the moon begin shining, melt in your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself Vous êtes toujours sur Cartable FM dans l'émission Let's Talk et nous allons maintenant laisser Romain nous présenter l'agenda culturel brièvement du Mans et de ses alentours. Bien sûr, pour ceux qui nous écoutent en direct ce mercredi 16, parce qu'il y a certains événements qui seront passés. À toi, Romain. Eh bien, merci, Sacha. Donc, si vous aimez la musique, vous allez être servi. Le jeudi 17 octobre, vous aurez le groupe Jazz Melon qui se produira à l'épicerie sur le Zinc, le jeudi 17, toujours à 19h, et cela, ça sera gratuit. Pour le vendredi 18 octobre, nous aurons le groupe Jean qui fera du stoner rock psyché et Mundra qui fera du hard rock psyché au Lézard à 20h30 au Chapeau. Ensuite, nous aurons Manon qui fait de la pop rock et qui se produira ce vendredi et samedi 19 octobre à 21h30 et ça sera toujours gratuit au Chapeau. Ensuite, nous avons Chanteur à guitare qui se produira au Lapin Blanc à 20h gratuitement. Sinon, pour ce week-end 19 et 20 octobre, nous aurons les 24 heures piano non-stop avec 24 artistes et des performances qui seront au Beaux-Arts de 15h à 15h le lendemain et vous aurez plus d'infos sur pianoctambule.com. Ensuite, vous aurez Drac qui fait du rap conscient et 137.7 qui fait de l'électropop et Practica qui fait du DJ set afro-techno qui se produira au Barouf de 21h à 4h à 0€. Toujours ce week-end, samedi 19 octobre. Ensuite, nous avons le groupe All Jazz Corporation qui fait du jazz, comme le dit le nom, qui se produira à l'épicerie sur le Zinc à 21h au Chapeau. Et enfin, comme je l'ai dit, Manon qui fait de la pop-rock, qui se produira au Zoo à 21h30 ce samedi. Sinon, le mercredi 23 octobre, nous aurons Apéro et Rock, c'est une scène ouverte qui se trouve à l'épicerie sur le Zinc à 19h et toujours et encore gratuit. Et enfin, vendredi 25 octobre, nous avons Alex Beaupin qui fait du French Pop et Molpé qui fait aussi du French Pop qui se produisent à la salle Jean Carmet à Allonne à 20h30 et c'est à partir de 14 jusqu'à 22€. Nous avons aussi Dame de Carreau Eric qui fait du Sul Pop Rock qui se produisent au Vaux à 21h à 0€. Et enfin, The Orchid qui fait de l'Indie Folk qui se produira à l'épicerie sur le Zinc à 21h, toujours et encore au Chapeau. Eh bien, merci Romain pour cette sélection culturelle. Et donc, on va finir par la petite surprise de l'émission, ce qui s'appellera le tourne-disque. Donc, ça aura lieu à chaque fois. C'est deux titres qui sont choisis soit par moi, parce que du coup, l'émission a une page Facebook, Let's Talk. Et je demanderai avant chaque émission quelques titres aux gens qui suivent cette page. Et donc, si personne ne me donne de titre, je m'en occuperai. C'est ce qui s'est passé là. Donc, on va commencer avec Détends-toi de Thierry Amiel. Donc, Thierry Amiel, c'est un chanteur français qui a été finaliste en 2003 à la recherche de la nouvelle star. Et là, il sort en 2019 son quatrième album en studio. Et donc, cette musique fait partie de la partie un peu découverte de cette émission. Voilà, let's go. Assez près de toi, je suis loin de tout. Ici loin de toi, je me sens rien du tout. Jeté dans la peau, hurle dans nos draps. Tes cris, tes sanglots, je te jure j'y arriverai pas. Ce matin je m'enfuis, je crois que je m'ennuie. La folie te guette, t'attrape et te poursuit. T'attrape et te nuit. Si tu veux de moi, ça te dépasse, cet amour indicible. J'ai tellement d'entailles. Tu veux que ça s'arrête, tu sais que sans prise de tête. La folie me guette, m'attrape et me poursuit. M'attrape et me nuit. Si tu veux de moi, t'attends quoi? Je ne suis rien sans toi. Ton âme. Pour moi les failles, tes cuisses autour de ma taille. Tes cuisses autour de moi. Si tu veux de moi, t'attends quoi? Je ne suis rien sans toi. Ton obsession pour moi. Détends-toi, c'est un mal qui me bat. Donc c'était Thierry Amiel sur Cartable FM. Donc on espère que vous avez aimé et on va enchaîner pour ce tournée disque avec le nouveau single de Liam Gallagher, Why Me, Why Not. Donc let's go. C'était Liam Gallagher, donc l'ex-chanteur du groupe Oasis, qui a été donc disloqué. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais remercier Romain, qui était là déjà pour les deux petites chroniques. Donc, merci Romain. Mais de rien, Sacha. Et donc, un grand merci à Sam d'être venu, de s'être rendu disponible et de nous avoir expliqué son projet artistique, etc. De rien, Sacha. Merci à toi pour l'invitation. Et on va aussi faire un petit clin d'œil et un grand merci à Delphine à la technique. Donc c'est compliqué pour une première à la technique. Donc merci beaucoup. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le second volet de l'émission. À bientôt.